Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alpinographie, la biographie d'alpiniste marquant et pourtant peu connue du grand public aujourd'hui. Sans plus attendre, on va se lancer dans le sujet du jour pour parler d'un grimpeur dont les inventions ont changé la face du monde. J'ai nommé Pierre Alain et sa révolution dans le milieu de l'escalade. Pierre Alain ? Ah bon, Pierre Alain, il n'a pas de nom de famille ? Alors, si, son prénom à lui c'est Pierre et son nom c'est Alain, avec deux L. Donc PA, ce sont ses initiales, a révolutionné le monde de l'escalade et de l'alpinisme à partir des années 1930 et ce grâce à l'invention de nombreux outils encore couramment utilisés aujourd'hui. Et pas que dans le monde de la montagne. Tenez, la doudoune que vous portez en hiver par exemple, un vêtement aujourd'hui aussi pratique que banal, eh bien c'est lui. C'est lui, grâce à son expérience de montagnard, qui a inventé ça. Eh bien, sachez, contre toute attente, que Pierre Alain, cet homme qui a changé l'escalade et l'alpinisme à jamais dans le monde entier, est un Parisien. Et ouais, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être né au pied des montagnes pour les aimer. Hashtag, la montagne, c'est pour tout le monde. Si vous aimez grimper du caillou, vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu son nom quelque part, mais peut-être jamais son histoire. Pierre Alain est né à Paris en 1904 et ne découvre la montagne qu'en 1923 dans le massif d'Alvar au nord-est de Grenoble. Il n'a donc que 19 ans lorsqu'il se prend de passion pour la randonnée en montagne. Il faut ensuite attendre 1928 pour qu'un ami à lui qui s'appelle Maurice Paillon l'invite à venir grimper du caillou en grande banlieue parisienne, vu que c'est là qu'il habite, à Fontainebleau. Fontainebleau, alors on dit juste Bleau dans le milieu. Donc Bleau et l'escalade, c'est toute une histoire. Pour ceux qui ne savent pas, il y a dans la forêt de Fontainebleau et ses alentours des milliers de blocs de grès de toute taille qui ne demandent qu'à être escaladés. Si au début des années 1900, il n'y avait qu'une dizaine de grimpeurs qui s'y intéressaient, le site est aujourd'hui mondialement reconnu. D'ailleurs, de nos jours, le barème de cotation dit Fontainebleau, pour indiquer la difficulté d'une voie, est devenu un standard international. Si je vous dis par exemple que je grimpe du 7A en bloc, les grimpeurs du monde entier, bon hormis en Amérique du Nord, comprendront mon niveau. Bref, c'est là, à Bleau, à l'âge de 24 ans, que Pierre Alain découvre l'escalade. Et il faudra à nouveau attendre 2 ans de plus pour qu'il soit initié au plaisir de l'alpinisme. Alors oui, il faut savoir que quand on parle d'escalade, cela implique uniquement l'ascension de parois rocheuses vierges de tout autre élément. L'alpinisme, de son côté, c'est un ensemble. C'est une activité qui se passe généralement en haute montagne et qui englobe à la fois escalade, escalade sur glace, marche sur glacier et sommet enneigé. Vous aurez d'ailleurs reconnu le mot Alpes dans alpinisme et c'est bien de cela qu'il s'agit. Les Alpes disposent de sommets très différents les uns des autres en termes de forme et de hauteur. Mais pour les plus élevés et les plus pointus d'entre eux, il faut généralement savoir aussi bien grimper des parois rocheuses que de marcher sur des glaciers crevassés. On peut par exemple être un grimpeur de rochers purs sans jamais toucher à l'alpinisme. L'inverse est rarement vrai. Si vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas, je ferai très prochainement un épisode bonus sur l'histoire de l'alpinisme. Pour le coup, si Raymond Lambert de notre premier épisode était un alpiniste pur, Pierre Alain, lui, préfère largement les rochers seuls. Mais ce qui est intéressant ici aussi dans l'histoire de Pierre Alain, c'est de bien se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour se découvrir une nouvelle passion, et il n'est jamais trop tard pour devenir l'homme qui révolutionnera l'escalade moderne. Au-delà de se révéler très bon grimpeur, Pierre Alain attache une attention particulière à la préparation matérielle. En 1930, pour sa toute première sortie en haute montagne, sur une des faces de la Dent Parachée, un sommet de 3700 mètres situé en Savoie, lui et sa cordée se font prendre par le mauvais temps au moment de redescendre, et ils sont forcés de trouver refuge dans une crevasse. Avec ses 3 copains de cordée, il va passer la nuit dans cet espace étroit, complètement trempé, frigorifié, grelottant de toutes ses forces dans ses vêtements mal adaptés. À ce moment-là, il se dit que s'il s'en sort, il développera du matériel de bivouac chaud pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, on grimpait avec une simple chemise en coton, un veston de toile et éventuellement un chandail léger. Non mais vous vous rendez compte? Moi, honnêtement, hein, je mets n'importe qui au défi de grimper un sommet à plus de 4000 mètres dans du mauvais temps avec juste une chemise. Et n'oubliez pas les boutons de manchette. Bref, traumatisé par cette expérience qui aura dû le transformer en glaçon, il va s'atteler à trouver une solution. Et en 1933, il va inventer un vêtement révolutionnaire. La veste rembourrée en duvet. Mais c'est fou, non? La doudoune que vous avez! Parce qu'aujourd'hui, on a tous une doudoune! Qu'on soit un citadin ou un montagnard dans les Himalayas ou un militaire déployé en Antarctique, on a tous une doudoune! Qu'elle soit rembourrée en synthétique ou en duvet! C'est lui! C'est lui qui a inventé ça au milieu des années 1930! Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ce vêtement, il est révolutionnaire parce qu'il permet de bien conserver la chaleur et donc de tenir plus longtemps dans le froid. Si vous mettez une veste en toile par-dessus pour faire coupe-vent et imperméabiliser le tout, plus rien ne vous arrête. C'est d'ailleurs grâce à cette veste que 2 ans plus tard, en 1935, il va réaliser avec Raymond Léninger la toute première ascension de la face nord des Drus dans la vallée de Chamonix. Et à nouveau, si vous avez écouté le premier épisode, vous aurez alors fait le rapprochement avec Raymond Lambert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, personne ne pensait que la voie nord des Drus était faisable. Au-delà d'être jugée comme de l'escalade difficile, l'ensemble était aussi considéré comme trop long, trop froid et trop dangereux. Il fallait donc partir avec beaucoup de matériel pour pouvoir bivouaquer plusieurs nuits et pour se protéger du temps, qui est toujours variable en haute montagne, et du coup les sacs avec lesquels les grimpeurs partaient devenaient trop lourds à porter et il leur fallait encore plus de temps pour grimper. En gros, plus une voie est longue à faire et plus il faut de matériel, et plus il faut de matériel, et bien plus une voie devient longue à faire. Et bien grâce à sa doudoune, Pierre Alain a réussi à faire une croix sur la partie trop froide de l'ascension. En cas de mauvais temps ou de chute de température, les grimpeurs n'ont plus besoin de rester cloîtrés dans un abri et peuvent continuer leur ascension. Du coup, le temps de grimpe est quand même sacrément réduit. Son deuxième coup de génie, c'est l'invention du mousqueton léger à fermeture automatique. A l'époque, le mousqueton, qui n'a été inventé que 20 ans plus tôt par l'allemand Dülfer, est lourd, presque 200 grammes par pièce, ovale et sans ressort pour éviter qu'il ne s'ouvre ou ne se ferme tout seul. Pierre Alain, constamment à la recherche de l'optimisation, décide de fabriquer lui-même, avec une machine qu'il a conçue lui-même, des mousquetons en alliage aluminium, asymétriques, ce qui améliore sa résistance en cas de chute, et avec ressort pour fermeture automatique. Avec ça, non seulement le mousqueton est très facile à manier, mais il ne pèse plus que 65 grammes. Imaginez un peu, avec ces nouveaux mousquetons, si à deux vous partez avec 10 dégaines chacun, en sachant qu'une dégaine comporte 2 mousquetons, vous ne portez au final plus que 2,6 kg de matériel au lieu de 8. 8 kg! Grâce à ce gain en termes de poids couplé au nouveau vêtement qu'il vient d'inventer, Pierre Alain vient de changer la donne dans le monde de l'escalade. En allégeant le sac et en permettant aux grimpeurs de grimper même lors de grand froid, Pierre Alain vient de réduire le temps d'escalade d'une voie. Et vu que le temps d'escalade est réduit, il n'y a plus besoin de se charger inutilement pour passer plusieurs bivouacs, et donc le sac devient encore plus léger. Et donc le temps d'escalade est encore plus réduit. En gros, plus il y a de trous, moins il y a de gruyères. Pris pour un fou par les habitants du coin pour vouloir grimper cette redoutable face nord des Drus, alors qu'à leurs yeux, il n'est qu'un Parisien, Pierre Alain trouve son coéquipier de grimpe, Raymond Léninger, dans le groupe de grimpeurs de Fontainebleau, car personne d'autre ne veut prendre ce risque. En réalité, c'est une veine pour Pierre Alain, car c'est grâce à leur style d'escalade purement blozard qu'ils vont pouvoir franchir les plus grands obstacles. À Blot, de nombreux rochers sont soit lisses, soit fracturés, ce qui force les grimpeurs locaux à développer deux techniques de grimpe. La technique dite d'opposition, pour grimper le long d'une faille, et la technique dite d'adhérence, pour grimper des parois lisses. Ces mouvements n'ont au préalable jamais été utilisés en montagne, car considérés comme des techniques d'acrobates du cirque et non de montagnards. Eh bien, c'est avec ces techniques, couplées au matériel léger et résistant, que 3 jours après la tentative avortée du grand Raymond Lambert, Pierre Alain, avec Raymond Léninger, touche le sommet des Drus et fait en même temps taire toutes les critiques à son égard. Un des plus grands alpinistes qui ait jamais existé, Walter Bonatti. Alors, retenez bien ce nom pour un futur épisode. Dira de lui-même, Pierre Alain et Raymond Léninger ont résolu un des problèmes les plus importants et les plus disputés de l'alpinisme moderne. La conquête de cette face a marqué une importante étape de l'histoire de l'alpinisme. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'être né au pied des pentes pour aimer la montagne. Tant qu'on la respecte et qu'on ne la pollue pas, la montagne, c'est pour tout le monde. Ah oui, et pour la petite anecdote, les techniques dites d'adhérence et d'opposition sont aujourd'hui considérées comme la base de la base en escalade. Après ce succès, Pierre Alain va écumer les pics français. Il va réaliser entre 1935 et 1940 25 premières sur des voies que l'on pensait intouchables. 25 ! À titre de comparaison, dans la vie d'un grimpeur, en faire une ou deux, c'est déjà fantastique. Parmi toutes ces premières, il y a la voie sud de la Meije, une belle paroi rocheuse en Savoie qui fait 800 mètres de long et qu'il réalise en à peine 8 heures. Ce qui est encore aujourd'hui, 70 ans après, considéré comme un temps dit normal. Pour resituer, grimper les 800 mètres d'Edru lui aura quand même pris 2 jours entiers. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Pierre Alain n'est pas un professionnel de la montagne. Il n'est pas guide, il vit et travaille à Paris et ne part à l'assaut des voies que lorsqu'il a du temps libre. Durant cette même période, en 1936, PA est invité à participer à la toute première expédition française dans l'Himalaya avec pour but de gravir le Hidden Peak, aujourd'hui connu sous le nom de Gasherbrum 1, dans le Karakoram. Pour info, Gasherbrum, dans le dialecte local, ça veut dire « belle montagne ». Alors qu'il venait tout juste d'ouvrir une petite boutique d'escalade dans Paris, Pierre Alain laisse tout tomber pour se joindre à cette expérience inédite. À l'époque, pour parcourir les 500 km qui séparaient Srinagar, dans la région aujourd'hui disputée du Cachemire, jusqu'au camp de base du Hidden Peak, cela leur avait pris un total de 40 jours, dont 30 jours de marche effective. À cela se devait d'ajouter une semaine de transport de Mumbai jusqu'à Srinagar et 2 semaines de bateau depuis Marseille jusqu'à Mumbai. Aujourd'hui, cela prendrait une journée d'avion, plus une journée de bus, une journée de 4x4 et 6 jours de marche, soit 9 jours au lieu des 61 demandés en 1936. Et ce, juste pour arriver au camp de base. Malheureusement pour cette toute première expédition française, la mousson arrivera quelques semaines trop tôt et aucun membre n'atteindra jamais le sommet à cause du mauvais temps. Seuls Pierre Alain et Jean Léninger, le frère de Raymond Léninger, réussiront à monter jusqu'à 6850 mètres, un record français absolu à l'époque. Heureux d'avoir pu participer à cette expédition, Pierre Alain l'est tout autant de retrouver les Alpes, là où il peut effectuer de l'escalade pure et non de l'alpinisme. Il ne gardera jamais de regrets face à la déroute du Gasherbrum 1. Non, ce qu'il considérera comme étant son premier, voire unique échec, c'est la face nord-est des Grandes Jorasses, dernière grande voie intouchable dans la vallée de Chamonix qu'il ratera en 1938 à cause du mauvais temps. Quelques jours plus tard seulement après sa tentative, l'éperon sera vaincu par une cordée italienne après 72 heures de bataille. Bien que la compétition ne l'intéresse pas, cette défaite lui laissera un goût de regret amer dans la bouche et il s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir poussé plus loin. Il dira toutefois de lui-même « Il faut savoir quelquefois faire demi-tour quand les éléments le commandent, et c'est la sagesse même que de leur obéir et de ne pas courir à sa propre perte pour sacrifier à un stupide orgueil. » Il retentera à nouveau sa chance en 1945 avant de finalement réussir en 1946 lors de son troisième essai. Voilà, là vous vous dites « Bon, vu le ton de la voix, on arrive sur la fin de l'épisode et sa conclusion. » Eh bien, pas du tout. Et d'ailleurs, si vous-même vous êtes grimpeur, vous savez qu'il manque des informations capitales relatives à la plus grande invention de Pierre Alain. En 1945, PA participera à la libération de Chamonix et se concentrera après cela non plus sur les premières, mais sur les innovations matérielles pour le milieu de l'escalade. Depuis son petit atelier parisien, Pierre Alain va à nouveau inventer 2 outils révolutionnaires. Le premier, c'est le descendeur pour effectuer des rappels, c'est-à-dire descendre une voie le long d'une corde. Il faut savoir qu'à l'époque, pour faire du rappel, pour redescendre rapidement les voies, on passait la corde sous ses cuisses et derrière son cou. Résultat, brûlure garantie et chute mortelle très probable. Pierre Alain, lui, invente le descendeur, un petit outil auquel on s'attache et dans lequel on passe la corde pour descendre en toute sécurité. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne fait d'escalade sans un descendeur désormais souvent couplé à un assureur. Et bien pourtant, lorsqu'il invente ça au milieu des années 1940, on lui rit au nez. On considère cet objet comme inutile. Ce n'est que à partir des années 1960 que les gens décident enfin à l'adopter avant de finalement devenir un objet incontournable. Et puis, en 1948, c'est un nouveau coup de génie de Pierre Alain. Il va inventer ce que beaucoup de puristes continuent d'appeler des PA pour Pierre Alain, le chausson d'escalade. Et ouais, le chausson d'escalade, cet objet indispensable pour grimper aujourd'hui, c'est lui qui a inventé ça. Avant 1948, les grimpeurs utilisaient soit des grosses chaussures cloutées, soit des espadrilles. Des espadrilles pour grimper du caillou. Pour rappel, les espadrilles, c'est des chaussures plates en toile avec des semelles en cordes de jute. Eh bien, Pierre Alain lui invente spécifiquement un chausson souple à semelles lisses en gomme dédié à l'escalade pure. C'est une révolution qui offre aux grimpeurs soutien et adhérence et leur permet soudainement de gravir des voies considérées au préalable comme purement impossibles. Attendez, le chausson d'escalade, c'est l'invention du millénaire pour la montagne. La fusée est à la conquête de la Lune, ce que le chausson d'escalade est aux montagnes rocheuses. Du jour au lendemain, on se rend compte que grimper sans chausson, bah c'est un peu comme faire du trampoline sans trampoline. C'est quand même vachement plus simple avec. Alors, petite parenthèse pour ceux qui aiment être tatillons sur les dates et les inventeurs. Il faut savoir que l'idée de ce chausson est née chez Pierre Alain au début des années 1930 et il a même porté au pied un prototype lors de son ascension des Drus en 1935. Sans qu'il y ait a priori aucun lien de connaissance, des Italiens de leur côté, dont un certain Vitale Bramani, créateur d'une marque de semelles aujourd'hui mondialement connue, décident eux aussi de perfectionner la semelle des chaussures, mais de montagne, pas d'escalade. Et ce à partir de 1937 avec une sorte de pneu slash caoutchouc. On reparlera d'ailleurs, vous en doutez bien, de cette grande invention italienne dans le prochain épisode. Mais c'est bien Pierre Alain qui, en 1948, grosse pause entre son prototype et sa version finale due à la guerre, qui invente le véritable chausson d'escalade. Parce que Pierre Alain ne déposa pas de brevet, son modèle fut copié de tous, et il ne reçut que très peu de reconnaissance pour son travail et ses recherches. Lui, amoureux de la montagne avant tout, n'y voit aucun problème. Ce qu'il aime, c'est voir les innovations naître et se faire améliorer par la suite. Quoi qu'il en soit, si les chaussons de sa propre marque PA se vendaient bien au début, la concurrence acharnée y met rapidement fin. Voilà, il me semblait important de rappeler que cet objet, désormais utilisé dans le monde entier, est à l'origine une belle invention d'un sympathique Parisien, bon grimpeur et débrouillard. Pierre Alain déménagera finalement pour les Alpes en 1963, à l'âge de 59 ans donc, et il continuera jusqu'à la fin de ses jours à fabriquer, toujours avec sa propre machine, jusqu'à 30 000 mousquetons par an. Il est décédé le 19 décembre 2000 à Saint-Martin-du-Riage. Parmi toutes ses inventions, on lui doit aussi certains dérivés de sa veste en duvet, tels que le sac de couchage en duvet, oui, c'est lui, la cagoule de bivouac en duvet et la patte d'éléphant en duvet. Ainsi que le décrocheur, un objet désormais inutilisé car potentiellement dangereux, mais qui permettait de descendre en rappel sans point d'attache pour la corde. On doit également à ses amis grimpeurs parisiens de Blot la corde d'escalade en nylon par Laurent Chevalier, et à noter qu'aujourd'hui pratiquement toutes les cordes de montagne sont en nylon, et la poignée bloquante par Henri Breneau pour pouvoir remonter le long d'une corde fixe. Voilà, pour moi, c'était important de faire une alpinographie sur Pierre Alain, un grimpeur parisien surdoué aussi bien sur les rochers que dans son atelier et dont les inventions ont permis au monde de l'escalade et au monde de l'alpinisme de rentrer dans une nouvelle ère. Si vous voulez plus d'informations à son sujet, je vous recommande notamment ses quelques ouvrages « Alpinisme et compétition » par Pierre Alain, « Alpinisme, la saga des inventions et des techniques » par Gilles Modica, un très bon livre si vous voulez en savoir plus sur les inventions dans le monde de l'alpinisme, ainsi que la vidéo « La lumière du rocher », un reportage de Laurent Chevalier sur Pierre Alain. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir!